Dossier 2, page 28, activités 2 et 3. Bonjour, bienvenue au consulat de France. Far away, far away, far, far away, I wanna go, I wanna go someday, someday. Je ne sais pas si je vais y aller, dans ma tête ou avec mes pieds, mes pensées posées sur l'asphalte. Je m'imagine une vie pepper and salt. Sans... Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à bord. Welcome aboard, ladies and gentlemen. For your safety and comfort, please take a moment to watch the following safety video. Ce film concerne votre sécurité à bord. Merci de nous accorder votre attention.